réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Par Toutatis ? Par Belenos. Et comment on dit bonjour quand on est de bons Gaulois comme nous deux ? Bonjour tout le monde, vous êtes sur France Culture, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Je suis avec Nicolas Rouvière, depuis hier il est avec nous et pour toute la semaine pour nous parler d'Astérix. Astérix dans le chaudron de l'identité nationale, c'est notre série dans un instant, le deuxième épisode. Et puis aux alentours de 6h20, je serai avec le chef de la rubrique culture du magazine Marianne, Laurent Nunez. Et ensemble, nous parlerons de cette exposition dont tout le monde parle, et à juste titre, et à raison. Une exposition à voir au musée d'Orsay, Splendeur et misère de la prostitution de 1850 à 1910. Mais tout d'abord, notre série. La Marseillaise par Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, mais on va parler de la France, la Gaule, avec la Gaule de Uderzo et de Goscinny. Avec vous, Nicolas Rouvière, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Grenoble 1 et que vous avez publié plusieurs ouvrages autour d'Astérix, Astérix ou la parodie de l'identité. Et pour ce deuxième épisode de notre série, nous allons parler de la Gaule aux Gaulois. Est-ce qu'on peut dire que le problème de l'identité nationale tel qu'il se pose aujourd'hui se posait déjà au début des années 60 ? Je crois que c'est une question récurrente qui nous invite très souvent à se tourner vers le passé pour essayer de trouver dans nos propres mythes fondateurs ou toute notre imagerie des réponses aux questions que l'on peut se poser. J'ai envie de dire que parfois ça peut être un petit peu trompeur, et s'il y a une lecture à faire d'Astérix, c'est souvent on gagne davantage à la lire comme une bande dessinée qui nous permette de s'orienter vers l'avenir aussi, vers une modernité, un horizon avec des valeurs universalistes, et donc le retour vers le mythe gaulois peut être justement un peu trompeur. Mais puisqu'on parle d'identité nationale à travers Astérix, qu'est-ce que le mythe gaulois pour vous, Nicolas Rouvière ? Mais je crois que c'est d'abord une reconstruction. C'est un mythe qui naît au XVIe siècle, au moment où la France se constitue comme proto-nation et où on essaye de lui trouver une mythologie qui va au-delà de la mythologie dynastique de la royauté, qui se tourne elle plutôt vers l'environnement de l'antiquité romaine. Il y a un fondement populaire au mythe gaulois, et c'est le 19e qui va associer peuple et gaulois autour d'une celtitude qui est envisagée comme une origine mythique populaire de la France, et qui permet à un pouvoir comme le pouvoir impérial de Napoléon III, par exemple, d'asseoir une légitimité non dynastique. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi qu'Astérix témoigne de la France de l'époque où il a été imaginé ? Ah oui, complètement. Je crois que c'est ainsi qu'il faut lire Astérix, ne pas lui attacher une valeur historienne trop importante en dehors de ce que cela peut refléter ou dire de l'époque où la bande dessinée se déroule. J'aime bien citer à cette occasion le bouclier Arverne. qui nous parle en fait de façon cryptée des années de la collaboration. Au début du bouclier Arverne, le chef Abrarakourxi a une crise de foi. Donc, le corps politique est malade. Et où est-ce que le druide l'envoie en cure ? À Vichy. Ça n'est pas anodin parce que si Abrarakourxi souffle d'un trop-plein, en réalité, il y a surtout un refoulé, une case vide dont personne ne veut entendre parler, c'est Alésia. Il ne veut pas entendre parler d'Alésia, pas seulement lui, un petit marchand de vin et de charbon auvergnat. Or, derrière Alésia se cache une autre défaite, la défaite de juin 40. Et l'envoyer à Vichy pour faire retour sur cette défaite-là et ce qui a suivi, c'est une façon aussi de dégrossir, de désenfler, c'est le cas avec le ventre d'Abrarakourxi, de désenfler tout un mythe résistentialiste dont Abrarakourxi se repaît. Que dit Abrarakourxi ? Il dit « La résistance, c'est le village. » Le village, c'est la Gaule, donc la résistance, c'est la Gaule. Alésia est nulle et non avenue. Et voilà ce dont souffre le corps politique, de ce gonflement mythique, et voilà ce que va proposer cette bande dessinée, cet album, faire retour sur cette histoire taboue, revenir sur le soir de la défaite, comprendre par quelle main est passé l'emblème de la résistance qu'est le bouclier de Vercingétorix, et donc revenir sur les compromissions, sur les petites lâchetés. Et à la fin de l'album, quand Abrarakourxi a subi une bonne cure d'amaigrissement et qu'on a élucidé cette chaîne des différentes responsabilités, alors on croise par exemple un patron des usines de roues Coqueluche qui n'a pas beaucoup de scrupules vis-à-vis de la délation, on croise un marchand de vin qui a refilé le bouclier au premier venu, on croise un Romain qui a volé le bouclier, etc., eh bien, à la fin, la population est réconciliée avec elle-même autour d'une version amaigrie, on va dire, de ce mythe de la résistance. Voilà l'histoire d'Astérix et l'arrière-fond historique. Et si on passait maintenant à la géographie, parce qu'il y a quelque chose qui est sûr, Nicolas Rouvière, c'est que les frontières sont bien délimitées dans les aventures d'Astérix et la Gaule appartient aux Gaulois. Et cette phrase, on peut l'interpréter de différentes manières, surtout aujourd'hui, j'ajouterais. Oui, alors la Gaule de Vercingétorix, c'est une vision de la France complètement reconstruite. Hein. C'est une sorte de France dans son territoire naturel, avec ses limites naturelles. On s'arrange en représentant la carte pour que les Pyrénées soient barrées par un bandeau de texte. On ne voit pas trop la Gaule belge, justement. L'Helvétie également est un petit peu éludée. Donc c'est complètement reconstruit. Mais attention aux frontières, car en réalité, les auteurs s'amusent à brouiller les différences entre les identités. Qu'est-ce qui sépare un Belge d'un Gaulois ? Il y a une telle proximité culturelle, linguistique. Qu'est-ce qui distingue un Romain d'un Goth et d'un Gaulois ? Quand les Goths envahissent la Gaule, ils se déguisent en Gaulois. Alors les Romains ne savent plus à qui ils ont affaire. Du coup, ça oblige les Gaulois à se déguiser en Goths et puis en Romains. Donc les Romains se courent les uns après les autres. Donc finalement, la question des identités est brouillée allègrement. On pourrait dire la même chose. Qu'est-ce qui distingue un Indien d'un Ibère ? Est-ce qu'un Ibère à plumes, c'est un Romain déguisé ? Enfin voilà, il y a un jeu assez savoureux dans Astérix pour essayer de brouiller l'imagerie et les repères que l'on a vis-à-vis de l'étranger vis-à-vis de l'autre. Mais dans le village gaulois, c'est un autre soi qui s'installe. Astérix et Obélix n'arrêtent pas de voyager au fil des aventures, mais en revanche, ça reste quand même un village vraiment isolé du monde aussi. Là aussi, deux lectures possibles. Oui, alors c'est une petite utopie autarcique qui vit de façon indépendante, un petit peu en dehors du temps, chapeautée par un vieux sage. Donc on se retrouve sur des motifs littéraires bien connus dans le genre de l'utopie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est une cour de récré. C'est une cour de récré avec un instituteur qui est le druide. Il faisait la classe aux enfants quand ils étaient petits, aux personnages. Et c'est une cour de récré ouverte sur le monde. C'est-à-dire que des copains, on peut s'en faire partout ailleurs, dans d'autres pays. Et d'ailleurs, on peut tous les inviter à un grand goûter pour fêter la bataille de Gergovie. Quant à l'étiquette identitaire, eh bien, dans ce village, on n'hésite pas, s'il le faut, à se dire romain pour avoir un bon prétexte de participer aux Jeux Olympiques. Donc, voilà encore, les images sont trompeuses et on s'aperçoit que finalement, puisque la Pax Romana se transforme en paix gauloise et que les légions romaines complètement désabusées vivent dans un complet laissé-aller, puisque c'est la victoire culturelle des autochtones, peu importe les étiquettes, finalement, on est libre de sortir sortir de l'enclave, de visiter l'Hexagone, d'en faire le tour et d'aller à la rencontre des autres cultures du monde. Pertinente analyse, Nicolas Rouvière, mais est-ce que je pourrais dire que votre analyse est idéologique? Est-ce qu'on peut pas faire une autre analyse? Aujourd'hui, par exemple, s'il fallait remplacer l'Empire romain par l'Europe et le village gaulois par ceux qui veulent quitter l'Europe, est-ce que vous pensez qu'on trouvera de quoi alimenter notre idée europhobe à travers Astérix ? Alors, ce qui est fascinant avec Astérix, c'est que à chaque fois, on peut projeter ce type de lecture. Trouble, ouais. Oui, oui, de lecture, c'est incroyable. On l'a dit au moment de la chute du mur de Berlin, on l'a dit à différentes occasions. Donc, oui, on a assimilé le village au village, au culte du terroir, un peu pétainiste, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que Astérix, dans un premier temps, flatte notre chauvinisme. On va pas le nier. Il y a une réécriture de l'histoire pour rire à la gloire des Gaulois, une revanche qui nous fait plaisir. Mais très rapidement, je crois que ces stéréotypes sont dépassés et qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs anticoloniales, anti-impérialistes qui sont très fortes, dans un cadre qui est quand même celui de l'Europe des nations. Il n'y a pas une visée fédéraliste de l'Europe, on est dans le cadre de Gaulle-Adenauer, de l'Europe des nations, une Europe des peuples, où s'il n'y a pas d'intégration forcée d'un pays à un autre, en tout cas, il y a un idéal de fraternisation, il y a un idéal confédéral qui est à l'œuvre, me semble-t-il, dans la BD, avec cette idée que il n'y a pas de choc de civilisation, dans le sens où, malgré toutes les difficultés du plurilinguisme, on arrive toujours à s'entendre, à festoyer ensemble autour d'un bon banquet. Et finalement, ce personnage d'Obélix qui dit « ils sont fous ces Romains », lui qui incarne l'ethnocentrisme par excellence, mais pas seulement lui, les Gaulois sont chauvins dans le village à maintes occasions, l'objectif des aventures, c'est de faire évoluer ces représentations. Et peu ou prou, Obélix va intégrer la part de l'autre. Et va intégrer des traits culturels qu'il emprunte de la rencontre avec les différentes cultures. On se retrouve demain à la même heure, Nicolas Rouvière ? Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, on écoute Étienne Dao sur France Culture. Un autre jour est possible. Que de temps passé en surface, que de temps s'encombrer du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées. Que de temps passé en surface, l'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser, oui mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps s'encombrer, du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les mois, on retrouve Laurent Nunez du magazine Marianne. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous dirigez les pages culturelles de l'hebdomadaire Marianne, mais vous avez surtout coordonné ce hors-série consacré à l'exposition du musée d'Orsay, actuellement au musée d'Orsay, Splendeur et misère, image de la prostitution. Un hors-série Marianne qui revient au temps des maisons closes. C'est d'ailleurs le titre de ce hors-série, toujours en kiosque, et vous avez visité pour nous cette exposition. Alors, c'était quoi l'alibi culturel pour ce plaisir en trois premières lettres? Non, c'était juste le plaisir d'aller voir si c'était comme ça, les maisons closes qui sont désormais interdites et qu'on ne voit plus que dans l'imaginaire, hélas. Vous avez pu rencontrer, vous qui êtes un grand lecteur. Ah, bien sûr, ça reste encore en littérature, c'est peut-être les seuls vestiges, peut-être littéraires, qui restent dans les mémoires, dans les photos. Dans le hors-série, il y a beaucoup, beaucoup de photos de ces lieux prestigieux, décorés richement, avec de l'argent soutiré à des bourgeois. C'est vraiment à regarder. On connaît la phrase de Clémenceau, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Ah, c'était lui. Oui, c'est lui. On retient la phrase, on oublie que c'est Clémenceau. Manière de dire, un peu drôlement, que le fantasme n'est pas ce qui précède le plaisir, mais bien ce qui le rend visible et possible. Eh ben, c'est ce fantasme, en fait, qu'explore la nouvelle exposition temporaire du musée d'Orsay, intitulée un peu banalement, je l'admets, Splendeur et misère, image de la prostitution, et qui va de 1850 à 1910. Qu'est-ce que vous aurez suggéré comme titre? Parce que c'est pas si facile que ça de trouver un titre pour une exposition au musée d'Orsay, qui plus est, autour de la prostitution. Non, je sais pas. Peut-être quelque chose, la prostituée, la femme honnête. Vous savez, ça fait toujours rire, moi, quand on appelle ça une femme honnête, hein, qui serait l'inverse de la prostituée. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce que veut dire aussi cette exposition. Et cette exposition, vous savez, d'ailleurs, on y accède en traversant, évidemment, ce musée, qui est une ancienne gare, hein, un ancien lieu public, et en descendant les escaliers, cette fois, jusqu'à de grands murs aux tentures rouges, comme il se doit. Et on se demande, hein, que va-t-on voir dans une exposition sur la prostitution? Des corps dénudés, des macs au visage renfrogné, des boudoirs somptueux, des lits défaits. Et oui, bien sûr, hein, on va le voir, mais pas tout de suite. Un peu de patience. Plusieurs tableaux nous barrent la route. L'exposition s'ouvre ainsi par une œuvre de Béraud qui s'intitule « L'attente ». C'est une grande rue, pavée, sinueuse, dans la pleine lumière du jour. À gauche, au premier plan, on voit une femme élégante qui se tient de profil, robe noire, grand chapeau. Elle est là, devant nous, elle attend. Au dernier plan, à droite, un bourgeois, costume, cravate, haute forme, bien planté sur ses deux pieds, collé à un immense réverbère qui ferait dire bien des choses à Sigmund Freud. Et lui regarde la femme, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle le regarde, ça? On ne sait pas, le bord de son chapeau masque son regard. Est-ce une prostituée? Ou est-ce qu'on appelle drôlement une femme honnête, justement? Ne cherchez pas, le peintre ne donne aucun indice. En tout cas, l'homme va s'approcher et va parler à cette femme. On le sait parce que c'est le second tableau de Béraud qui est toujours à l'entrée de l'exposition. Même rue, même personnage donc, mais l'œuvre cette fois s'intitule « La proposition ». Bienvenue dans un monde étrange hein, quand même, où une femme qui attend dans la rue ne peut attendre qu'une chose, visiblement. Et ben, vous pouvez rester devant ces deux tableaux pendant des heures. Jamais vous ne saurez si l'homme est éconduit ou si la femme accepte. En tout cas, la femme n'est pas dénudée, parce qu'aujourd'hui, une prostituée, c'est une femme qui a une tenue qui marque sa profession. Oui, c'est ça toute l'ambiguïté. Comment, dans un espace public, discerner la femme qui cherche des amours tarifés de celle qui est là juste pour se promener? C'est toute l'ambiguïté et évidemment le fantasme hein, des peintres et des artistes de l'époque. Et bien, à l'époque, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, avant les Tinder, avant qu'on ait inventé ce concept d'escort girl. Oui, oui, vous savez, c'est l'invention de la ville. Vous savez, c'est Baudelaire qui appelle ça, quand il a, dans son célèbre poème, à une passante. C'est d'un coup la célébration d'une femme entrevue et qui peut disparaître. Bah, la prostituée, c'est ça également. Sauf qu'elle, tout d'un coup, elle attend. Elle reste là, elle est figée. On a une chance supplémentaire de l'aborder. Et ben, ce diptyque, hein, à l'entrée d'une expo hein, sur les filles publiques, bah, ça montre l'ambiguïté d'ailleurs du désir dans les lieux publics. Et tous les tableaux des premières salles sont ainsi, un peu déroutants, un peu inquiétants. Et ils semblent répéter la fameuse question que posait Lacan, « Que voy ?»« Que me veux-tu » C'est-à-dire, « Que me veut l'autre quand l'autre me regarde ?» Et la question est d'autant plus anxieuse que nous-mêmes, hein, spectateurs de l'exposition, eh bien, nous regardons ces regards et nous cherchons à les interpréter. D'ailleurs, si on tourne la tête, eh ben, c'est pour découvrir un autre tableau, hein, la demoiselle de magasin, un grand tableau de Tissot. Alors, on y voit quoi ? Un magasin de dentelles et de rubans, deux vendeuses s'y affairent. Un monsieur regarde à travers la vitrine, attiré non pas par les rubans, mais par la vendeuse, qui range une boîte en hauteur, révélant ainsi sa silhouette. Il la regarde donc. Est-ce qu'elle le regarde ? Encore une fois, on ne sait pas. Le peintre n'a pas osé le montrer. On est en 1883 et les femmes ne sont pas encore censées, vous savez, éprouver du désir. Il faut pénétrer plus avant dans l'exposition pour que ce désir apparaisse enfin franchement et pour passer de l'espace public aux maisons closes. Lieu créé par les hommes et pour les hommes, rempli de femmes et dirigé par une femme. Lieu sans plus aucune ambiguïté, où la femme est nue et dans l'attente du plaisir, qu'elle soit peinte par Degas, Valoton, Toulouse-Lautrec ou Van Gogh. Lieu au nom poétique et ridicule, alors on y va pour la farandole, ça s'appelle le Sphinx, la fleur blanche, la grotte des hirondelles. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal ça. Ou, un peu plus trivial, les belles poules. Waouh. Voilà. Lieu carnavalesque, hein, en fait, où tout s'inverse, où ce qui était choquant ne l'est soudainement plus. Et si vous allez voir cette exposition, d'ailleurs, vous y verrez plusieurs fois la même scène, peinte par divers peintres. C'est une prostituée qui se tient au premier plan, nue toujours, hein, lascive parfois. Et à ses côtés, il y a un bourgeois qui vient d'arriver. Et on sait que c'est un bourgeois parce qu'il est habillé en bourgeois. J'irais même que on sait que c'est un bourgeois parce qu'il reste habillé. C'est lui donc qui semble bizarre dans le tableau, et pas la femme nue. C'est lui que l'œil remarque parce qu'il ne respecte pas le dress code, vous savez, parce que finalement, c'est un homme venu de lui-même au bordel, mais c'est aussi un bourgeois qui a honte d'être là. Alors il se tient immobile, hésitant, pauvre animal schizophrène, toujours au bord du cadre, prêt à quitter la chambre s'il découvre que nous l'espionnons. Alors que ça aurait été tellement plus simple avec un matelot ou un militaire, tellement plus normal, mais bon. Bref, il ne faut surtout pas embêter ces bourgeois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre une fois qu'on le laisse là, ce bourgeois ? Ah bon, on a le choix parce que vraiment, là, l'exposition, c'est un grand point fort, c'est que l'exposition est immense. Et on en a vraiment pour son argent, si on peut dire. Alors, on admire hein, des meubles polis par les ans, comme ce lit immense, dit le lit de la Païva, qui est le nom d'une célèbre courtisane. Et un lit qui ressemble à une sorte de vaisseau pris dans des flots tumultueux. Il provient même du bordel où vivait, hein, où vraiment s'était installé Toulouse-Lautrec. On rit des cartes de visite des demoiselles élégantes et provocatrice à la fois. On reste fasciné devant les portraits et les statues des courtisanes célèbres et richissimes, évidemment, comme Apollini Sabatier ou Lola Montes. Voilà, vous savez que, voilà, je vous rappelle que Baudelaire est amoureux des deux femmes, hein, pas en même temps, je vous rassure, et qu'il écrivit ses plus beaux poèmes d'amour à celle qu'on appelait la présidente Sabatier. Quant à Lola Montes, le poète des Fleurs du Mal célébrait chez elle, on s'en souvient, le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Alors, qu'est-ce qui séduit dans cette exposition ? Ça, je crois le deviner. Mais est-ce que c'est une exposition qui pose une question, qui interroge Laurent Nunez, que cette exposition au musée Orsay ? Oui, parce que c'est pas juste le regard un peu candide du bon vieux temps des maisons closes. C'est une exposition qui, d'ailleurs, elle va durer jusqu'au 17 janvier. On aura vraiment le temps de la voir. Moi, ce qui m'a le plus plu, ces deux petites salles sombres, interdites aux moins de 18 ans. Alors, le musée d'Orsay avait déjà fait ça pour l'exposition Mapplethorpe, avec des photographies pornographiques. Et ben là, dans ces deux salles sombres et interdites, vous savez bien, vous imaginez bien hein, ce qu'on y trouve. De mais l'explicite, enfin. Mais justement, ce qu'on y trouve, c'est la fin de l'imagination. Parce que qu'ont fait les hommes dès qu'ils ont inventé la photographie, ou plutôt vers 1850 à peu près, dès qu'ils ont réussi à raccourcir le temps de pose photographique? Eh ben, ils ont pris des photos érotiques et même pornographiques. C'est-à-dire, ils ont trouvé et multiplié cette image manquante, vous savez, c'est une expression de Quignard, dont ils n'avaient avant que des représentations picturales. Eh ben, c'est ça qu'on trouve dans ces cabinets sombres du musée d'Orsay, la création subite de la pornographie, en stéroscopie, hein, s'il vous plaît, c'est-à-dire un simulacre de trois dimensions. Et on voit une centaine de photos de femmes nues, seules ou avec un client. Alors, on ne les regarde pas toutes, hein, ça je l'admets. On s'en lasse un peu, comme on se lasse des scènes salaces qu'on trouve dans les romans de Sade. Mais on est tout de même abasourdi hein, par ce que Foucault nommait la volonté de savoir. On découvre d'ailleurs, à la fin de ces salles, le premier film porno. un peu rendu ridicule par la cadence accélérée des images, comme dans un film de Chaplin. Voilà, ça se passe dans un petit jardin entre un homme et une femme. Voilà, ils sont juste deux. C'est assez rapide, ça dure 5 minutes. On regarde et puis on sort de l'expo, voilà, discrètement, comme on sortirait d'un bordel. Mais on n'a pas les joues rouges, vous savez. On a envie d'applaudir. Parce que c'est ni une réécriture fantasmée du passé, ni l'inverse, qui serait peut-être pire, c'est-à-dire une caricature abolitionniste et très puritaine. C'est juste une belle tentative pour comprendre les mœurs du passé sans les juger. Une visite dans ces maisons closes qui sont définitivement closes depuis 1945. Et c'est une belle ironie que ce soit cette date-là, puisque vous le savez, c'est un an plus tard hein, qu'on découvrit enfin la pénicilline, qui était et reste le seul moyen de vaincre la syphilis, cette maladie des bordels qui tua Baudelaire, Maupassant, Gauguin, Daudet, Feydeau, et puis même Schubert. Voilà, donc ça reste axé sur la prostitution féminine, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de prostitution masculine. Très peu, vraiment. Non, vraiment, c'est la femme dans toute sa splendeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a visité cette immense exposition au musée d'Orsay, Laurent Nunez ? Il faut continuer sur cette lancée. Moi, si vous me demandez ce qu'il faut faire, moi, je vous répondrai, il faut partir à Naples et visiter son musée archéologique. Mais là, vous pouvez laisser tomber, vous savez, les statues de marbre et les fresques murales. Il faut demander à voir le cabinet pornographique. Et vous y avez droit, j'ai essayé, hein, à condition de réserver, la veille pour le lendemain. Et vous y découvrirez ce que les conservateurs du musée ont caché pendant des siècles, et qui n'est visible pour tous que depuis 2008, sont les peintures murales des lupanars, de Pompéi et d'Herculanum, avec des représentations érotiques qui servaient de menu, vous savez, afin que les étrangers ignorant le latin puissent désigner leur position favorite. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est très très beau. Donc à la carte. Exactement. Et vous y verrez plein de choses, des amulettes, des boucles d'oreilles phalliques, qui en fait étaient contre le mauvais sort, très exactement. Vous y verrez quelque chose d'incroyable qui est Aphrodite en bikini. Il s'appelle vraiment comme ça, la déesse en bikini. Et puis même, vous verrez la sculpture la plus célèbre qui est Pan amoureux d'une chèvre. Bref, vous y verrez vraiment une autre vision des bordels et de la sexualité, une vision éloignée de la nôtre et dont pourtant nous avons hérité. Hein, à vous de vous débrouiller avec ce paradoxe. Et si on n'a pas les moyens ou si on n'a pas le temps d'aller jusqu'à Naples, Laurent Nunez? Oui, c'est vrai, oui. Si Naples est trop loin, et trop loin les vacances, vous pouvez aussi continuer à fréquenter les prostituées à travers la littérature et sans bouger de chez vous. Alors, on a choix. Moi, je vous conseille, lisez Nana, le grand roman que Zola consacra à l'ascension d'une cocotte. Lisez Maupassant et Boule de Suif sur le sacrifice d'une fille de joie, bien en chair, qui consent à se donner aux soldats ennemis. Lisez Crime et Châtiment, puisqu'on y rencontre Sonia, l'archétype de la prostituée sublime, au même titre que La Fantine, des Misérables. Lisez, si vous l'osez, même c'est mon préféré, c'est vrai, Madame Edwarda, le roman blasphématoire que Georges Bataille publia sous le manteau en 1937 et qui raconte comment Dieu se réincarne dans une fille publique. Voilà. Lisez tout et n'importe quoi de la géniale Griselidis Réal. Voilà. Peut-être une dernière question, c'est pourquoi les artistes, les écrivains, les peintres et les poètes ont-ils si souvent décrit les bordels et les prostituées? Eh bien, je crois que c'est parce que, à la fin de l'Ancien Régime, et avec la domination nouvelle des bourgeois, que les artistes détestaient, mais qui étaient les seuls à lire et à acheter des tableaux, eh bien, ces artistes se considéraient soudain eux-mêmes, et assez tristement, comme de nouveaux prostitués. Merci Laurent Nunez du magazine Marianne. Je rappelle que le hors-série consacré aux maisons closes et qui accompagne cette exposition au musée d'Orsay jusqu'au 17 janvier est en kiosque. On se retrouve très vite le mois prochain. Avec grand plaisir. Merci, plaisir partagé.